sur 5, sur CKRL 89.1 et on va parler d'un autre sujet bien banal, la météo, parfois confondue avec le climat. Donc, météo contre climato. Valérie, il semble que tu aies senti le besoin aujourd'hui de faire une mise au point. Oui, Marie-Claude, parce que trop souvent, dernièrement, lorsqu'il neigeait, j'ai entendu à la radio, puis pas spécifiquement CKRL, général, j'entendais que les conditions climatiques rendaient la circulation routière difficile. Alors, j'ai grincé des dents. Mm-hmm. Donc, que les animateurs de radio se rassurent, ils ne sont pas les seuls à commettre la confusion. La ville de Québec a envoyé le 13 février dernier un communiqué informant, je cite, « Les conditions climatiques difficiles forcent l'annulation de plusieurs collectes de matières résiduelles. » Je vais fermer les guillemets. Donc, j'ai encore grincé des dents. Pourquoi? Parce qu'une chute de neige n'est pas une condition climatique, mais une condition météorologique. Et je trouve cette confusion entre météorologie et climatologie particulièrement désolante de la part de médias ou d'organes de communication au grand public qui sont supposés à livrer une information juste, parce que c'est justement, elle entretient la confusion entre climatologie et météorologie au sein de la population. Et certains, ensuite, vont s'alimenter de cette confusion pour dire à chaque bordée de neige ou à chaque vague de froid que les changements climatiques n'existent pas. Mm-hmm. Et j'ai donc eu envie de faire un énième rappel sur la différence entre météorologie et climatologie. Alors, commençons par la météorologie. Ouais. Alors, la météorologie, ça vient du grec météore, qui veut dire particule en suspension, et de logos, qui veut dire connaissance. Et le terme aurait été inventé par Aristote. On remonte quand même assez loin, pas aussi loin que le pain, mais quand même assez loin. Donc, car déjà, les Grecs anciens s'intéressaient à comprendre les phénomènes météo. Et c'est même Anaximandre de Milet qui, le premier, a voulu expliquer la météo autrement que comme étant des interventions divines. Donc, s'il y a de l'orage, ben non, c'est pas Zeus qui nous envoie les éclairs et le tonnerre. Sauf qu'à l'époque, on pouvait certes observer le ciel, les nuages, le vent, la pluie, et percevoir qu'il faisait chaud ou froid, mais on manquait quand même d'appareils de mesure. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, on a toutes sortes d'appareils pour mesurer la température, la vitesse des vents, la pression atmosphérique, l'humidité, etc. C'est plus facile. Oui, c'est ça. Et puis, ça devient plus concret. Et donc, la météo, c'est une branche de la physique qui cherche à comprendre comment les nuages, les précipitations se développent en fonction des paramètres que sont donc la température, l'humidité, la pression atmosphérique, etc. Et c'est cette connaissance-là qui permet de faire des prévisions? C'est ça. Donc, la météorologie, c'est la science qui permet de comprendre l'état du ciel, et les prévisions météo sont une application de cette connaissance. Alors, les mesures des conditions atmosphériques des jours passés et des lois de la physique, ça permet d'anticiper les phénomènes météorologiques dans un avenir proche. Donc, par exemple, la météo va annoncer de la pluie, de la neige, des vents forts, une canicule, etc. Et tout ça, ben, ce sont des phénomènes météorologiques qui peuvent être plus ou moins violents, parfois même extrêmes, mais il reste que des phénomènes météorologiques, que ce sont des phénomènes météorologiques et non des phénomènes climatiques. Donc, bah, une tempête de neige, c'est une condition météorologique et non climatique. Et j'en profite pour faire une remarque de vocabulaire qu'on a tendance à abuser du mot tempête chaque fois qu'il neige. En effet. Alors, une tempête, ce sont des vents violents accompagnés de précipitations. Et les précipitations, ça ne veut pas dire strictement neige. On peut avoir une tempête avec de la pluie. Et inversement, une chute de neige sans vent n'est pas une tempête. Et autre abus de langage que j'entends parfois, c'est les orages électriques. Alors, par définition, un orage, c'est une pluie accompagnée d'éclairs et de tonnerres, donc il est forcément électrique. D'accord. Donc un orage électrique, c'est un pléonasme. Mais revenons à la météorologie et aux prévisions météorologiques qui nous disent comment le ciel va évoluer au-dessus de nos têtes dans les prochains jours. Et là, il y a deux points importants. J'ai dit au-dessus de nos têtes et dans les prochains jours. Donc, la météo se déroule sur une petite échelle de temps et une petite échelle d'espace. Alors que le climat, lui, on est à une plus grande échelle, c'est ça? Ben oui, voilà. Donc, étymologiquement, le climat, ça vient du grec « klinein », qui veut dire « incliné ». D'accord. Ouais, on cherche un petit peu le rapport, mais le voilà. Donc, « klinein » a donné « climat », qui veut dire « inclinaison de la calotte céleste » au-dessus de la Terre, et par extension, « inclinaison de l'axe de la Terre ». Donc là, l'étymologie nous indique déjà qu'on est à une autre échelle que la météorologie. Donc la climatologie, ça étudie aussi le temps, mais à une plus grande échelle spatiale, donc non plus seulement localement à Québec ou à Montréal, mais sur tout un territoire et aussi sur une plus grande échelle de temps. Donc la climatologie travaille avec les mêmes paramètres que la météorologie, donc sont les températures, la pluviométrie, les vents, mais au lieu de les mesurer ponctuellement sur une petite période de temps pour faire éventuellement des prévisions météo pour le lendemain, et bien elle regarde des moyennes. Donc la climatologie fait des statistiques sur des successions d'événements météorologiques. Alors on parle de température moyenne ou normale, ce qui en fait statistiquement n'est pas la même chose, mais on ne rentrera pas dans les détails de la statistique. Et donc le climat nous dit le temps qu'il fait en général à l'échelle d'un territoire, par exemple au Québec, alors que la météo nous dit le temps qu'il fait cette semaine à Montréal ou à Rimouski. Donc, Montréal et Rimouski ont toutes deux un climat nordique, mais il peut faire tempête à Montréal et il peut faire super beau à Rimouski. Voilà, donc le même climat, mais pas la même météo, exactement. Et quoique, alors, à propos de climat nordique, les climatologues ne parlent pas de climat nordique pour le Québec, mais de climat continental. Et oui, on parle toujours de climat nordique, mais j'ai appris que c'était plutôt un climat continental pour les climatologues. Alors, en fait, même au Québec, ils subdivisent quatre climats. Le climat est subdivisé en quatre types différents. Donc, pour la vallée du Saint-Laurent, on a le climat continental. On a un climat océanique, quand on arrive dans les maritimes, bon, c'est plus pluvieux, c'est plus doux. On a un climat subarctique, quand on monte plus au nord, en gros, entre Chibougamau et jusqu'à la baie de James. Et plus au nord, quand on arrive dans le Nunavik, on a le climat polaire. Puis bien sûr, si on regarde ailleurs dans le monde, on a toutes sortes de climats dépendamment de la latitude, dépendamment aussi de la longitude, parce qu'à l'ouest ou à l'ouest des continents, c'est pas la même chose, et aussi en fonction de l'altitude. Alors par exemple, à Vancouver, en France, au Royaume-Uni, qui sont à l'ouest de leur continent respectif, on a un climat tempéré, océanique. En Méditerranée, mais aussi en Californie, on a un climat méditerranéen. On a des climats arides dans les déserts du Sahara ou de l'Atacama au Chili, mais aussi aux États-Unis et jusque dans les prairies. Donc, il va y avoir différents. Là aussi, il va y avoir des subdivisions dans les climats arides. Puis, bien sûr, on a des climats tropicaux, des climats équatoriaux, etc. Et au milieu de tout ça, il y a l'influence de l'altitude, donc des climats de montagne, par exemple, dans les Alpes ou dans les Andes, qui peuvent jouxter des climats arides ou océaniques. Donc avec le climat, on n'est pas du tout à l'échelle de la météo, donc de la tempête de neige qui s'abat sur la ville de Québec et qui rend les conditions routières difficiles. Bien sûr, il y a un lien entre la météo et le climat. Les chutes de neige vont être plus fréquentes en climat continental ou montagnard qu'en climat océanique. Mais qu'il neige à Paris, à New York ou à Québec, ce sont des événements météorologiques et non climatiques. Ah ben merci pour ce rappel, Valérie. On va continuer à parler de neige et de glace, mais en s'éloignant cette fois-ci de la Terre pour voir s'il neige ailleurs dans le système solaire. Bonne question.